notre force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu fidèle. Je vais te dire, Dieu est fidèle. Si tu lui as demandé quelque chose, quelle que soit la durée, sache qu'il va te l'accorder. Ne baisse pas les mains. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fille de l'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il le réalise. Ce qu'il ordonne, il l'exécute. Laisse-moi te dire, le travail que tu attends, l'embauche que tu attends, le Seigneur va te surprendre. La nomination que tu attends, oui, c'est vrai que tu as perdu ton premier travail là. On t'a fait partir injustement. J'aimerais te dire que l'Éternel te réserve un travail meilleur. Oui, réveille-toi. Tu vas commencer à dire merci au Seigneur Jésus. Invoque-les. Réveille ton voisin. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Nous sommes à OSB. Opération sur la brèche. Marc 6, 7 à 13. Nous allons lire Marc chapitre 6, du verset 7 au verset 13. Jésus parcourait les villages d'alentour et enseignant. Alors, il appela les 12 et il commença à les envoyer deux à deux en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser les sandales et de ne pas revêtir deux tuniques. Puis il leur dit, dans quelques maisons que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partirez de ces lieux. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds afin que cela leur serve de témoignage. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils soignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Amen. Nous allons partager deux grandes vérités tirées de ce passage. La première vérité concerne les privilèges du disciple de Jésus. Lorsque tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es devenu enfant de Dieu. Mais lorsque tu marches avec Jésus et tu commences à le servir, tu deviens disciple de Jésus. Tu fais partie de ceux-là qu'il a choisi pour accomplir une mission, comme celle que Jésus avait confiée aux 12. Vous voyez ici, la Bible nous dit qu'il appela les 12. Quels sont les privilèges du disciple? D'abord, premier privilège, ils sont des envoyés de Jésus-Christ. En d'autres termes, ils sont des ambassadeurs de Jésus-Christ. Lorsque c'est Jésus qui t'envoie, il te confie une mission. C'est une grâce, c'est un privilège. Tu devrais en être fier parce que tu es son ambassadeur. Lorsque tu vas annoncer la bonne nouvelle, tu ne vas pas en ton nom, tu vas au nom de Jésus. Tu fais la fonction d'ambassadeur. Je vais dire à un frère, à une sœur, tu as bien fait de choisir de servir le roi des rois. Lorsque tu le fais, il ne faut pas avoir honte parce que tu n'as pas été envoyé par un homme, tu as été envoyé par le roi des rois, par le Seigneur des Seigneurs, tu es ambassadeur. Deuxième privilège du disciple de Jésus, il a reçu le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. Vous voyez, ce pouvoir ou ce privilège n'est pas seulement réservé aux bishops, archibishops ou bien aux 12 apôtres. Tout disciple de Jésus, celui-là qui marche dans l'obéissance, dans la sanctification et qui a la foi, il a reçu ce pouvoir. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont ignorants. Je vais parler à une dame, écoute-moi bien. Toi, tu as encore cet esprit fétichiste. Tu vas d'église en église, tu cherches un prophète, un pasteur qui a le pouvoir de guérison, le pouvoir de chasser les démons. C'est pourquoi tu entres même dans des sectes, des milieux où tu penses avoir la délivrance. C'est là qui te mélange, où tu as encore des problèmes. Sois consciente qu'il y a des situations pour lesquelles toi-même là, comme Jésus t'a donné le pouvoir, tu peux chasser les démons. Tu peux prier pour quelqu'un. Tu peux prier pour ta fille. Ça fait longtemps que ta fille est malade. Est-ce que tu es conscient que Jésus t'a donné ce pouvoir-là? Tu peux chasser les démons. Tu peux prier pour les malades et ils seront guéris. Vous voyez, il est dit ici au verset 7. Alors il appela les 12. Il commença à les envoyer deux à deux en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Tu as le pouvoir sur les esprits impurs. Jésus va dire en quoi ailleurs, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut vous nuire. Tu as le pouvoir sur l'esprit de sorcellerie. Tu as le pouvoir sur les esprits des sirènes des eaux. Tu as le pouvoir sur les esprits des morts. Est-ce que tu comprends? Jésus t'a donné ce pouvoir-là. Mais pourquoi as-tu peur des sorciers? Et lorsque nous continuons, il est dit au verset 13, ils chassaient beaucoup de démons et ils soignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Vous voyez, c'est biblique d'utiliser l'onction d'huile pour guérir les malades. Mais faisons attention, il y a beaucoup de gens qui mystifient maintenant. Ici, la Bible ne nous donne pas de précision, ne dit pas qu'il faille utiliser l'huile qui vient, je ne sais pas, de tel pays ou bien telle catégorie d'huile qui coûte tel. Non, ne faisons pas le commerce en vendant maintenant l'huile. Ce qui compte, ce n'est pas l'huile, mais c'est la foi. Vous voyez, pour guérir le malade. Troisième privilège du disciple, il compte sur la provision divine. Lorsque Dieu te donne une vision, il te donne la provision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas dans le ministère envoyé par le Seigneur, lui-même va s'occuper de tous les autres détails. C'est ça l'idée qui ressort ici. Hein? Quand Jésus dit, il est prescrit de ne rien prendre pour les voyages, verset 8, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, des chaussées, des sandales et de ne pas revêtir de tunique. On peut mal interpréter cela. Jésus ne dit pas forcément que nous n'avons pas besoin, lorsque nous allons en mission, de prendre des dispositions, prendre avec nous les habits. Mais l'idée ici, il voulait leur faire voir que lorsqu'ils vont en mission, lui-même a déjà prévu des dispositifs pour leur prendre en charge. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire que nous devons faire confiance au Seigneur. Parfois, nos moyens sont limités. Je veux dire à quelqu'un, tu es engagé dans une mission où tu dois aller prêcher l'évangile, n'aie pas peur. Vas-y, avec le peu de moyens que tu as, le Seigneur fera le reste. Vous voyez? C'est ça, parce que l'ouvrier mérite son salaire. Ici, il a prévu que lorsqu'ils vont aller annoncer l'évangile, il y a des gens qui seront bien disposés à les recevoir. Et si on ne les reçoit pas, qu'ils puissent secouer la poussière et qu'ils puissent passer. Vous voyez? Là où on doit les recevoir, ils allaient prendre soin d'eux. Ça fait partie de la provision divine. Il peut susciter n'importe qui pour subvenir à tes besoins. Deuxième vérité concerne la mission du serviteur de Dieu. La mission du disciple consiste à aller et prêcher le message de la repentance. Il est dit au verset 12, « Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. » Le message que nous devons prêcher, c'est le message de la repentance, l'évangile. Aujourd'hui, il y a des gens qui tordent l'évangile. Nous devons aller. Nous devons obéir à cet ordre suprême où Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prêchez la bonne nouvelle. Oui, cela est une obligation, une exigence pour chacun de nous en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus. Si tu as été sauvé, ce n'est pas pour croiser les mains. Tu es sauvé pour servir. Tu es sauvé pour que toi aussi tu puisses aller annoncer la bonne nouvelle aux amis qui vivent encore, qui sont encore des drogués, qui vivent encore de la prostitution, ma sœur. Oui, regarde, tu étais une maîtresse d'un homme, mais tu le faisais avec beaucoup d'amis. Vous séduisiez les maris d'autrui. Mais regarde, il y a ton ami qui est même malade. C'est une occasion pour que tu ailles lui rendre visite, lui dire d'abandonner cette vie, lui dire que Jésus l'aime, lui donner la bonne nouvelle, lui annoncer la bonne nouvelle, afin que lui aussi soit sauvé. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Oui, nous avons encore des parents qui ne connaissent pas encore Jésus. Oui, à la fin de l'année, c'est l'occasion de leur annoncer l'évangile. Même lorsque nous parlons de fêtes comme la fête de Noël, oui, la fête de la nativité, c'est l'occasion pour chacun de nous de dire qu'il y a un sauveur qui est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné, il est venu, c'est Dieu lui-même qui est devenu, oui, homme. Il est venu naître comme un homme. C'est pour sauver l'humanité. Vous avez besoin de lui. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais que nous puissions glorifier Jésus-Christ. Nous allons chanter ces cantiques.

Alléluia, il est digne de louange. Élevons ensemble nos voix. Glorifions celui-là qui nous a donné ce pouvoir. Glorifions celui-là qui n'a pas changé. Le Dieu véritable, Jésus de Nazareth. Élevons nos voix. La force dans la prière. Sois béni Jésus, toi qui as appelé les disciples et qui les a envoyés. Nous te bénissons, ô notre Dieu, toi qui nous as appelés également. Non seulement tu nous as appelés, mais tu pourvois à tous nos besoins. Nous bénissons ton nom, ô Père, pour les privilèges que tu nous as accordés. Nous t'élevons, nous te glorifions, toi le Dieu Tout-Puissant. Merci, ô Père. Toi qui nous as revêtis de l'autorité afin que nous puissions chasser les démons en ton nom et que nous puissions guérir le malade. Nous bénissons ton nom, ô notre Seigneur, notre Dieu. Toi le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant, merci, ô Seigneur. Toi le Dieu qui veut également que nous puissions prêcher la repentance. Merci au Père de nous aider nous-mêmes d'abord à nous repentir et à prêcher la bonne nouvelle. Sois béni au notre Père pour le Saint-Esprit qui accompagne ta parole. Que l'honneur te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre émission matinale s'appelle OSB, Opération sur la brèche. Nous prions chaque 5 heures temps universel. Et cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Le passage du jour, c'est Marc chapitre 6, 7 à 13. Nous venons de voir quelques privilèges du disciple de Jésus. Il est l'envoyé de Jésus-Christ. Mais nous venons de voir qu'il a reçu le pouvoir de chasser les démons et de guérir le malade. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas invoquer le nom de Jésus en tant que disciple de Jésus. Peut-être que tu connais des oppressions. Peut-être que tu as un parent, c'est ton fils, c'est ton mari, c'est ta femme qui connaît des moments d'oppression. Tu cherches où aller. Peut-être que tu es parti quelque part pour voir un prophète. On t'a demandé l'argent pour prier. Non, tu n'as pas besoin de donner l'argent. Le Seigneur te dit, il t'a donné le pouvoir. Je vais demander à une dame, là où tu es, il y a ta fille qui fait la fièvre. Ça fait plusieurs jours. Je te dis maintenant, impose les mains à ta fille, à ton fils maintenant. Crois que Jésus-Christ va le toucher maintenant, dans le nom de Jésus, en communion avec les frères et sœurs qui prient avec OSB. Crois que maintenant, Jésus-Christ les touche. Prends autorité. Menace cet esprit de fièvre. Il faut prier. Il faut prier. Dis à l'esprit de fièvre de quitter ton fils, de quitter ta fille. Au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Oui, à cet esprit de mort. Cet esprit de mort qui est en train de poursuivre ton fils, qui est en train de poursuivre ta fille. Il faut les chasser. Au nom de Jésus-Christ. Prends autorité. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Très excellent Père, écoute la droiture, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Je te rends grâce, ô Père éternel, ce matin, parce que c'est un jour exceptionnel. Lorsque les jours furent accomplis, tu envoyas ton Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin que nous obtenions la délivrance. Ce matin, Père éternel, nous exprimons notre reconnaissance pour ta bonté, pour ta fidélité, pour la manifestation de ton amour à notre égard. Nous prions, ô Père, dans le nom de ce don que tu nous as accordé, dans le nom de Jésus-Christ, contre toute forme de sabotage, contre toute forme de manipulation satanique dirigée à notre égard. Nous les déclarons voués à l'échec dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit de non-accomplissement est lié au nom de Jésus-Christ. À la mention du nom de Jésus, nous avons la victoire. Nous avons la victoire sous nos ennemis. Parce que nous pouvons tout faire par Christ qui nous fortifie. Merci Père pour le don de grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous venons de voir aussi que l'autre privilège du disciple de Jésus, c'est qu'il compte sur la provision divine. Lorsque tu sers le Seigneur, oui, il va pourvoir à tes besoins. Je ne sais pas, de quoi as-tu besoin, ma sœur? De quoi as-tu besoin, mon frère? Oui, pour cette fin d'année, tu vas prier pour qu'il puisse pourvoir à tes besoins. Celui qui a pourvu aux besoins d'Élie dans le désert, il est capable encore. Ses bontés ne sont pas épuisées. Tu vas prier pour qu'il te donne à manger. Tu vas prier pour qu'il te donne de quoi te vêtir. Tu vas prier pour qu'il t'accorde la provision au nom de Jésus-Christ. Nous voulons te remercier ce matin pour ta grâce que tu nous fais, la miséricorde que tu nous fais. Sois béni parce que tu nous as visités par ta présence. Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel avec nous nous suffit dans tous les domaines de notre vie. Et celui-là est venu, notre Dieu, notre Père, pour nous pardonner. Tout ce que nous avons fait comme péché, c'est lui qui nous pardonne pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous réconcilier avec Dieu. Il nous envoie pour aller prêcher de la parole et de ne pas s'inquiéter pour notre nourriture, pour notre vêtement. Tout ce qui est afférent à tout ce que nous avons comme nourriture, vêtement. Ce matin, nous croyons à cette parole, mais nous sommes des hommes. Nous sommes limités. Pendant ces jours, il y a quelquefois des problèmes de nourriture, des problèmes de vêtements, des problèmes de tout genre en ce qui concerne le matériel, ce qui concerne les finances, ce qui concerne tout ce qui est important, tout ce qui est utile, tout ce qui est indispensable, tout ce qui est nécessaire. Nous te prions ce matin pour nous-mêmes, nos familles, nos enfants, nos époux, nos épouses. Nous te prions ce matin de subvenir à nos besoins, de subvenir aux besoins de tes serviteurs, de tes servantes. Gloire à toi, honneur à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que la mission que le Seigneur nous donne consiste à aller prêcher la bonne nouvelle. Oui, pendant ces fêtes de fin d'année, c'est l'occasion pour nous de donner la possibilité à ceux qui ne connaissent pas Jésus d'entendre l'évangile. Tu vas prier pour que Dieu te donne cette possibilité de parler de Jésus à quelqu'un ou d'organiser un cadre. Pourquoi pas d'organiser un repas où tu vas inviter des amis, tu vas inviter des parents pour qu'ils puissent écouter l'évangile. Tu peux même inviter un pasteur, inviter un homme de Dieu, une servante de Dieu pour annoncer l'évangile. Oui, c'est l'occasion. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit, opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous te magnifions, nous t'élevons parce que tu es Dieu. Tu es tout puissant, tu es vivant, tu es le réel. Mon âme t'exalte parce que chaque jour, tu appelles des âmes à la conversion. Chaque jour, tu touches des vies. Chaque jour, tu restaures. Chaque jour, tu fais de grands prodiges, des miracles dans la vie d'une multitude. Et ce matin, tu nous interpelles afin que, en cette fin d'année, nous puissions encore annoncer ta parole. Merci parce que tu fais de nous des serviteurs, des moissonneurs. Tu fais de nous des évangélistes qui, par des occasions d'invitation, qui interpellent, qui suscitent des hommes. Merci parce que dans nos cœurs, tu mets en nous, oui, les œuvres du royaume. Tu mets en nous comme style de vie pour appeler des âmes à la conversion. Tu mets en nous, dans notre cœur, la joie de parler de toi. Tu mets en nous, dans nos cœurs, oui, l'envie d'inviter quelqu'un à l'église, de lui tendre une brochure. Merci pour, oh Dieu, ces occasions que tu nous donnes. Merci pour ta grâce que tu fais à quelqu'un d'inviter son chef, son patron, son frère, sa sœur biologique qui ne connaît pas encore le Seigneur. Béni sois-tu, parce que par ces actes encore, des âmes seront touchées et converties. Nous te bénissons, Saint-Esprit, pour ton œuvre au milieu de tes enfants. Gloire et honneur à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mais n'oublions pas, dans quelques jours, c'est-à-dire samedi qui arrive là, c'est notre grand rendez-vous spécial OSB d'Action de Grâce. Je vais te parler. Toi qui dis, je ne suis jamais parti à OSB, on te raconte toujours. Viens dire merci au Seigneur. Dieu t'a béni par Fréquence Vie. Dieu t'a béni par OSB. Le fait de rester à la maison, c'est l'ingratitude. Tu as pris même des engagements que tu n'as pas encore honorés. Viens dire merci à Jésus. Viens témoigner la reconnaissance. Et l'année qui va commencer, je t'annonce que le Seigneur va t'ouvrir encore des portes. Je te dis que ce jour-là, ce samedi qui arrive là, à l'église Assemblée de Dieu d'Adjamé, la gloire de Dieu va descendre. Viens avec toute ta maison, viens avec ton mari, avec ta femme, avec les enfants. Nous allons dire merci au Seigneur. C'est à partir de 9h jusqu'à 13h. Que Dieu vous bénisse et à demain.